De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Revenons sur Terre pour cette deuxième demi-heure, les pieds bien sur Terre et même dans la boue, et plus particulièrement dans les boues d'épuration, les résidus du traitement de nos eaux usées. Ces boues d'épuration peuvent servir d'amendement agricole, mais elles contiennent des polluants. Mais il est possible de décontaminer ces boues d'épuration. C'est le projet de recherche mené par Felicitas Schneiderer au laboratoire de Céline Vanicote, qui est elle-même professeure au département de génie chimique de l'Université Laval. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par le début, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette idée de boue d'épuration avec d'éventuels polluants qui sont à l'intérieur, des boues d'épuration dont on se sert pour en amendement agricole et ensuite qu'on peut dépolluer. Donc, c'est une longue histoire, on va la prendre dès le début. Donc, d'abord, les boues d'épuration, qu'est-ce que c'est? Ben, tu l'as dit un peu toi-même déjà, Valérie. Donc, quand les eaux usées, quand ils sont traités, en fait, on va séparer les solides des liquides. Et en fait, les solides qui restent, c'est donc ce qu'on appelle les boues d'épuration. Donc, par exemple, on peut les séparer par une simple décantation, une sédimentation. Et ces solides-là, par exemple, si on parle de boue municipale, ça peut contenir même les crottes humaines, là. Mais on peut aussi avoir des boues agricoles, des boues industrielles, donc dépendant de l'origine. Puis ces boues-là, donc, ils sont riches en matière organique, aussi nutriments, mais dépendamment de leur origine, ils peuvent donc aussi contenir encore donc certaines polluants éventuels, donc par exemple des métaux lourds et certaines traces de produits toxiques, micropolluants aussi, là. Alors habituellement, ces boues-là, on en fait quoi? Est-ce qu'on cherche à s'en débarrasser? On les enfouit? On les incinère? Ou est-ce que si on juge qu'il n'y a pas trop de polluants à l'intérieur, on les utilise comme amendement agricole? Qu'est-ce qu'on fait? Ben jusqu'à récemment, en fait, dans le passé, on faisait surtout l'incinération et l'enfouissement de ces boues. Mais là, au Québec, il y a maintenant, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il y a le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage qui a été mis en place, justement pour valoriser ces matières-là, ces matières organiques qui ont quand même une certaine valeur, au lieu donc de les rejeter. Et ça, c'est surtout, en fait, pour réduire les gaz à effet fait de serre provenant de ce genre de matière organique, en fait. Parce que si on les enfouissait, ça émettrait des gaz à effet de serre. Oui, ben, par exemple, on peut produire, si ça commence à dégrader, donc ça peut produire du méthane donc sur le site d'enfouissement, puis donc dans une usine de biométhanisation, on va plutôt capter ce méthane pour la valoriser, par exemple, comme gaz naturel renouvelable. D'accord. Et sinon, en ce moment, est-ce qu'elles sont, j'ai pas bien, je suis pas sûre d'avoir bien compris, est-ce qu'elles sont déjà utilisées comme amendement agricole, ces boues d'épuration? Oui, ben les digestats en fait qui sortent ou les composts, donc on va les utiliser, oui, comme ce qu'on appelle une matière résiduelle fertilisante. Donc il y a quand même une réglementation autour de ça au Québec. Donc il y a certaines normes à respecter, certains critères de qualité environnementale. Donc on parle notamment de CPOE en fait. Donc c'est les contaminants chimiques. Donc par exemple les métaux, on a les agents pathogènes. Donc pour le P, les odeurs pour le O et le E, c'est les corps étrangers, donc par exemple des plastiques. Donc c'est quand même réglementé ce que par la suite qu'on retourne au sol en fait. D'accord. Donc, il y a une réglementation, donc on vérifie quand même que ça ne contienne pas n'importe quoi avant de l'envoyer au sol. Et là, ce que je comprends, c'est que vous cherchez dans ce laboratoire des moyens de réduire les contaminants qui sont dans ces boues. Oui, ben c'est entre autres donc le projet de recherche de Félicitas, donc parce que récemment on entend de plus en plus souvent parler des fameux PFAS, entre autres, ou Oui. d'autres micropolluants, donc pour lesquels une réglementation est encore en production, en développement, disons. Mais oui, certaines de ces polluants, ils peuvent se retrouver, ben, ils se retrouvent dans les vêtements, ils se trouvent partout, là, mais ils peuvent se retrouver donc éventuellement aussi dans les boues. Ouais, mais c'est quoi les PFAS, justement? Le PFAS, donc des longues chaînes de carbone avec le composé fluorant, il existait plus de 1500 PFAS différents. Et raison de ces propriétés, ces PFAS sont utilisés dans diverses industries et dans les produits de consommation courant. Par exemple, dans les poils anti-adhésifs, dans les vêtements imperméables ou dans le maquillage. D'accord. Et est-ce qu'on connaît la dangerosité de ces PFAS? Pourquoi est-ce qu'on s'en inquiète? Bien que les PFAS ont des propriétés fantastiques pour de nombreux produits, ils sont également considérés dangereux. Les défis auxquels nous sommes confrontés est la persistance des PFAS. Ils s'accumulent dans le sol, dans l'eau et dans les organismes vivants. Okay. Oui, exactement. Et du coup, nous absorber les PFAS et finalement, les PFAS impactent le négatif sur notre santé, notre système immunitaire. Et oui, exactement. D'accord. Donc c'est pour ça on les appelle des fois les polluants éternels, c'est parce qu'il n'y a pas de voie de dégradation de ces molécules-là et donc elles s'accumulent. Bah, là où elles sont, finalement, elles vont s'accumuler dans les tissus vivants, dans nos propres tissus ou dans les tissus vivants des animaux ou des plantes qui sont, si ces PFAS se retrouvent dans l'environnement. Exactement. Ouais. D'accord. Et Exactement. là, donc, ton projet, Félicitas, c'est de trouver une technique pour enlever les PFAS des bouts d'épuration? Le projet de Félicitas, en fait, ça parle d'une stratégie de pyrolyse. Il faut tout d'abord savoir que c'est pas toutes les boues évidemment qui en contiennent, puis souvent c'est pas problématique du tout. Mais si on a par exemple une boue industrielle ou tu sais, ça se peut que on a des valeurs assez élevées. Et là donc il y a des traitements quand même qui peuvent s'appliquer. Donc nous on a entre autres testé la pyrolyse, donc qui permet en fait la décomposition des matières organiques à haute température, puis en absence d'oxygène ou avec très peu d'oxygène. Et comme ça, on va produire en fait des gaz qu'on appelle un syngas, qu'on peut valoriser comme source d'énergie. On va avoir une phase liquide qui, elle aussi, elle pourrait être utilisée tu sais, comme source d'énergie. C'est une huile. Puis, on peut avoir donc un biochar que lui, on peut en fait le ramener vers le sol par la suite. Ouais, donc là, je vais essayer de reprendre ça parce qu'il y a eu plein d'informations là-dedans. Donc en fait, la pyrolyse, c'est que on prend les bouts d'épuration et on les chauffe très très très fort et à haute pression, haute température, haute pression. Ouais, tu sais, on vise en haut de 300 degrés, mais par exemple, dans le projet de Félicitas, on a travaillé à 650 degrés Ouais. Celsius. Puis, donc, c'est des réacteurs fermés sans oxygène, puis on va faire une décomposition, en fait, de la matière. Donc, c'est un procédé thermochimique, en fait, qui va avoir lieu. Ouais. D'accord. Et donc là, on récupère trois phases, une solide, une liquide, une gazeuse. Oui, Donc exactement. la phase solide, c'est les biochars, Oui, ça. oui. Et puis il y a la liquide et la gazeuse. Et donc les éventuels PFAS se retrouvent où là-dedans? Ils sont détruits par la chaleur? Finalement, nous n'y trouvons pas les PFAS en biochar. OK. Même malheureusement, nous ne pouvons pas dire si nous détruisons les PFAS avec un processus de pyrolyse. Parce que nous ne pouvons analyser les gaz dans le pyrolyse, mais nous analysons les phases de liquide. Et dans le phase de liquide, nous trouver un peu le PFAS. Ok. Exactement. Donc on les trouve pas dans la phase, bon, on les trouve pas dans le biochar, dans la phase Exactement. solide. On ne les trouve Exactement. pas dans la phase liquide, mais on les trouverait dans la phase gazeuse, ou c'est le contraire? Non, finalement, nous trouvons les PFAS dans le liquide, mais nous n'analysons pas les phases de gazeuses parce que l'analyse est très compliquée. D'accord. Donc on les retrouve dans la phase liquide. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'ils sont quand même dégradés et donc éventuellement moins problématiques? C'est offrir une nouvelle question pour la recherche. Finalement, c'est nécessaire de trouver une solution pour bref mouvement, le PFAS. Mais je suis sûre, Céline, une idée quelle direction le nouvel projet va arriver. Mais une partie est quand même dégradée, là, mais on ne le sait pas en fait parce que tu sais, il peut y avoir dans la fraction gazeuse, mais c'est très compliqué à analyser, comme Félicitas a dit, là. Donc oui, c'est sûr que ça va être des futures recherches, en fait, vont se concentrer sur justement, s'ils ne restent pas dans le biochar, ils vont où? Ils sont transformés en quoi? Ces polluants éternels. Et voilà. Mais je pense. Après ça aussi, que justement, on est en train de développer une réglementation actuellement, entre autres au Québec, pour les PFAS dans les matières résiduelles fertilisantes. Donc, c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de travail aussi à faire au niveau de la toxicité des différentes espèces parce qu'il y a y a beaucoup d'espèces, de nombreuses espèces de PFAS qui existent et leur toxicité n'est pas toujours connue. Il peut y avoir des interactions éventuellement aussi. Puis après ça, il faut aussi savoir que justement, vu que, étant donné leur persistance dans l'environnement, ben, on doit peut-être plutôt réfléchir à des stratégies pour simplement les enlever de la chaîne de production plus en amont, pour pas qu'on les retrouve en fait dans nos maisons, dans l'environnement, puis tout ça. Les boues, c'est juste une partie, une toute petite partie de l'image générale. Si on regarde dans notre maison, on trouve ces PFAS quand même un peu partout. Mais quand même, donc, les résultats, les travaux, là, les recherches de Félicitas, ça permet quand même d'enlever les PFAS de la partie solide, donc du biochar. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà une bonne réussite. Donc, ça veut dire qu'on peut les utiliser, qu'on peut l'utiliser maintenant, ce biochar? Oui, le biochar, il est sécuritaire à utiliser là. On retrouve pas de PFAS là-dedans. On a étudié aussi d'autres micropolluants, là, pas seulement les PFAS, mais aussi les dioxines, furans, puis tout ça, les hydrocarbures. Donc on a aucune problématique pour les biochars. Donc c'est un carbone stable qui peut être recyclé dans le secteur agricole et qui a d'ailleurs beaucoup d'avantages agronomiques En aussi. fait, bon, là, on est capable de réduire, d'enlever les PFAS du biochar, ça c'est une bonne chose. Ils sont encore peut-être dans la phase gazeuse, on ne le sait pas parce que c'est difficile à analyser et il y en a encore dans la phase liquide. Et sinon, la solution, en fait, ce serait de les éliminer de notre environnement, de toute façon, de les éliminer des processus de fabrication, industrielle. Est-ce qu'on sait par quoi on pourrait les remplacer? Autre question piège. Ça, c'est de justement, c'est la question de recherche. Donc, je pense que ça dépend des secteurs, là, et le but, justement, parce que les PFAS sont utilisés, comme Félicitas a dit tantôt, pour plusieurs choses, là. Mais c'est ça, ça serait, je pense, c'est une excellente question de recherche pour les années à venir. Est-ce qu'on les retrouve ailleurs, les PFAS, que dans les boues d'épuration? Est-ce qu'on les trouve dans d'autres résidus industriels, dans d'autres procédés, dans d'autres déchets industriels? Oui, sûrement, là, tu sais, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est pas nécessairement en fait, c'est pas du tout une problématique reliée au boue, c'est une problématique qu'on utilise trop de PFAS, en fait, en général, dans tout ce qu'on fait, en fait. Et autre question aussi, parce que là, donc, la pyrolyse permet d'éliminer les PFAS. J'imagine que là, il y a toutes sortes de. Il faut travailler sur les conditions de température, conditions de pression, je ne sais pas, les différents variables, les différents paramètres des conditions de pyrolyse. Est-ce que c'est les mêmes conditions qui permettent d'éliminer les PFAS et d'éliminer les dioxines ou les autres molécules polluantes? Finalement, nous trouver un peu réchauffement, les dioxines, les furans et les PCBs aussi avec cette condition. Finalement, nous générer un biochar propre. Exactement. Finalement, le résultat est très bon pour toutes les micropollutions nous analyser. Ok, donc des mêmes conditions de pyrolyse, ça va permettre d'éliminer différents polluants. Oui, si nous utilisons la température chaude et injecter le gaz. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut injecter un gaz pour faire la pyrolyse. Exactement, nous injecter le gaz. À quoi sert ce gaz? Le gaz porteur il va évacuer rapidement le gaz, le phase gazeuse généré afin d'éviter une recondensation de la phase gazeuse sur le biochar. So, finalement, si la pollution évaporée, le gaz flash, la pollution recondensation dans la phase des biochar. Ok, d'accord. Donc ça veut dire effectivement, ça va permettre de faire partir la fraction gazeuse va partir avec le gaz porteur au lieu de se condenser dans le biochar. Exactement. Ouais. Puis Félicitas, dans cette recherche, elle a testé deux différents gaz, en fait, parce que c'est ça qui fait partie de l'optimisation de ce procédé-là pour enlever, en fait, l'épiphase du biochar. Donc, elle a travaillé, donc c'est ça qui est assez innovateur. Elle a travaillé à injecter le diazote, mais elle a aussi essayé d'injecter le CO2. Par exemple, si on a une biogaz, une CO2 résiduelle d'une industrie ou justement la fraction CO2 d'une biogaz. Donc, lui, on pourrait l'injecter dans le pyrolyseur et donc, ses recherches montrent que ça aide à enlever, en fait, les polluants du biochar, en Là, vous le fait. faites au laboratoire, est-ce qu'on peut penser à une phase plus grande échelle? Félicitas a quand même fait des expériences pilotes, en fait, avec des pilotes assez grands. Donc, c'est une collaboration avec AgriNova à Lac-Saint-Jean, qui ont des installations pilotes qui sont quand même d'envergure. Je sais pas le volume, Félicitas, pour le spécifier, là. Utiliser 10 kilos pour tous les tests, c'est une grande quantité. Ce n'est pas seulement une test dans le laboratoire. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, ça veut dire, comme il y a déjà eu une expérience à échelle pilote, c'est quelque chose qui serait applicable à une échelle industrielle. Est-ce qu'il existe déjà des pyrolyseurs industriels dans lesquels on pourrait appliquer cette technologie-là? Oui, ben ça serait la prochaine étape, là, en fait, de l'injecter justement à pleine échelle. Donc, Félicitas a essayé différentes paramètres opérationnels. Elle a sélectionné ceux qui sont le plus intéressants pour enlever l'épiphase et les autres micropolluants, en fait, des biochars. Et c'est validé à Très l'échelle bien, pilote. d'accord. Donc peut-être bientôt une extension à l'échelle industrielle de la technologie développée par Félicitas Schlederer dans le laboratoire de Céline Vanicotte à l'Université Laval. Ce serait une belle surprise, un beau débouché. Alors Oui. félicitations à toutes les deux et merci pour nous avoir fait plonger dans ce monde des boues d'épuration, même si ce n'est pas un monde dans lequel on a envie de plonger, du moins de façon concrète, mais au moins de façon intellectuelle. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir expliqué vos recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous étions en compagnie de Félicitas Schlederer et de Saline Vanicoté, donc professeure au département de génie chimique à l'Université Laval. Alors, c'est la fin de Futur Simple pour aujourd'hui, mais revenez-nous la semaine prochaine, nous irons à la découverte de la faune du Nunavik. Et pour le moment, je vous laisse en compagnie de Calypso Lemoine sur CKRL 89.1 à l'écoute de En Aparté.